C'est maintenant la table ronde de la série entre les Saguenay de Chicoutimi et les Huskies de Rouyn-Noranda qui se poursuit ce soir. On va y aller avec nos deux descripteurs habituels des Saguenay de Chicoutimi, Sébastien Morin. Salut, Sébastien. Salut, Danny. Et le descripteur des Huskies de Rouyn-Noranda qui fêtait son 74e anniversaire samedi, Jean-Paul Charlebois. Bonne fête, Jean-Paul. Bien, merci. Bonne journée. Je suis bien content que les Huskies n'ont pas fait de cadeau de fête, par contre. Mais Jean-Paul, qu'est-ce qui, à 74 ans, te passionne encore être descripteur du hockey junior? Ben, d'abord, la passion du hockey, je pense. OK. C'est clair que je suis un passionné de hockey. Je me suis beaucoup, beaucoup impliqué aussi dans l'organisation des Huskies depuis ma prise de retraite. J'ai travaillé énormément au niveau de l'agrandissement et l'innovation de l'aréna avec le président de l'équipe. Et puis le fait d'être avec des jeunes, je pense que ça me garde jeune, le fait d'avoir une mentalité de jeunes autour de moi, les entraîneurs sont plus jeunes que moi, les joueurs sont évidemment plus jeunes. Donc, le fait d'être dans un environnement de jeunes, je pense que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me tient très... Tu tiens jeune très aussi, actif. Là, à quelque part. Okay. Ben oui. Ben oui. Ah, OK. Oui, disons que j'ai été chanceux, j'ai fait une bonne vie, disons. Ben oui. Hey, avant de commencer... Avant de parler avec Sébastien, Jean-Paul, il y a des gens qui se posaient la question, parce qu'il y a des gens du Saguenay qui t'ont écouté pour la première fois cette semaine, en fin de semaine, oui. Puis ils ont dit, moi je sais, j'ai eu la plainte sur les médias sociaux, ils disent, dites donc, descripteur des Huskies, qu'on est au Québec, qui arrête de parler en anglais. Moi, je la connais, la réponse, parce que Michel Germain fait la même affaire avec l'Océanique de Rimouski. Pourquoi tu fais ça, hein? Ben, parce que il y a des joueurs qui sont anglophones dans notre équipe. Ouais. Puis, alors, les parents et les amis de ces jeunes-là les écoutent et puis sont à l'écoute. Alors, c'est simplement pour les de temps à autre les mettre au courant de ce qui se passe. Là. Ouais, OK. Alors, c'est très apprécié par eux autres. Alors, ce sont de nos clients finalement, ces gens-là. Alors, ben oui. C'est un service à rendre, je pense. Effectivement. Ça titille bien des gens, ça chatouille des gens, mais moi, je pense que c'est juste d'être courtois avec eux. C'est exactement ce que Michel Germain m'avait expliqué. Hey, Sébastien, on va y aller avec toi maintenant. Quel match des Saguenay? Excuse-moi, je suis un petit peu partisan, Jean-Paul, là, c'est un petit peu normal. Quel match des Saguenay samedi? Moi, là, écoute, il était premier sur la rondelle. L'échec avant était incroyable. Les Huskies ont été embourbés pendant plusieurs minutes, là. Exactement. Surtout en troisième période. Le match était très serré dans les deux premières sur le tableau indicateur à l'Arena IM Gold, qui en passant a été bruyant sans bon sens pendant les deux matchs. Si on est capable de reproduire un dixième de ce bruit-là dans le St. George Vezina, ça va être intéressant pour les trois matchs cette semaine. Ça, pour le premier match, ça a peut-être été dérangeant pour les joueurs des Sags, mais dans le deuxième, on s'était plus habitué. Tu sais, dans le premier, on n'avait pas pu pratiquer sur la petite glace avec ses subtilités, le petit territoire neutre, mais aussi les rebonds des bandes de patinoire, c'est presque un jeu de pinball là, du côté de l'Arena IM Gold, soit disant à tout respect. Et les joueurs des Huskies l'ont très bien exploité dans le premier match. On a réussi à mieux faire les ajustements, je pense, dans le deuxième. Ça faisait, je pense, 5 ans que les Sacs n'avaient pas gagné un match du côté des Huskies de Rouyn-Noranda. On a poussé les joueurs des Huskies, particulièrement les défenseurs, à faire quelques erreurs pendant la rencontre. Puis pour les avoir regardés pendant longtemps en série l'an passé, j'avais pas vu ça depuis un certain temps de la part des Huskies de Rouyn-Noranda. Ça a été toute une performance là, samedi. Ah, il y en a incroyable. Moi, Jean-Paul, tu vas m'expliquer quelque chose. On savait que les Huskies avaient deux gardiens de but. On savait que c'était Harvey a gardé quand même pas mal le filet pendant tout le long, une bonne partie de la saison. Qu'Olivier Tremblay, à la fin de l'année, est venu seconder Harvey parce qu'Harvey affaiblissait. Mais pourquoi on va changer une attitude, une formule gagnante? Il me semble que tu y vas avec Harvey quand tu gagnes. Tu sais, tu commences à jouer dans la tête des gardiens de but, puis c'est jamais quelque chose de... C'est quoi de Tremblay de rien s'approcher, là? Non, ce que les gens savent pas, c'est que ça, là, ça a été établi avant le début des séries, que ça serait comme ça. Okay. Les deux gardiens sont très au courant de la situation. On en a parlé à tous les deux. Et ils sont tous les deux d'accord avec ça. Et, en tout cas, c'est ce que j'en sais, là. C'était pas une conversation qu'il y a eu, mais c'est C'est une longue discussion qui a eu lieu entre les deux entraîneurs-chefs, entraîneurs de gardiens de but, et les deux gardiens de but. Donc, c'était le plan prévu depuis le début des séries. Et en tout cas, Olivier Tremblay, après le match de samedi, a très bien répondu à une question du journaliste Jonathan Guidon en disant que nous autres, ça va bien jusqu'ici, on a gagné une ronde, on se casse pas la tête avec ça. Là. On est prêt pour chaque match. OK. Sébastien, si on y allait maintenant avec du côté des Sags, on dit tout le temps que le quatrième trio en série peut aider beaucoup, peut faire différent. Trio de Brendan Hamlin, là. C'est-tu moi? Ben, il me semble, je l'aime, ce trio-là. Ça en amène un trio. Quand on dit vrai trio d'énergie, c'en est un, hein. Est-ce que. Ouais. Ben, oui, puis, tu sais, c'est un joueur qui peut-être ne reçoit pas l'affaire de pointage, Brendan Hamlin, puis les autres, là, tu sais, je veux dire, les deux trios de 3 et 4, là, qui ont des missions un peu plus défensives chez les Sags, ouais. Là. On a mis Samuel Hood, le jeune de 16 ans, qui a très bien joué dans tous les matchs depuis le début des séries. Lui, il ne reçoit pas la feuille de pointage, mais fait bien des petits détails, là, sur la patinoire quand on fait appel à lui. Marc Bezaoui, Vincent Lapalme, Zachary Lavigne, Antoine Marcoux, Brendan Hamlin. C'est tous des joueurs qui contribuent, qui ont élevé leur jeu d'un cran, qui peut-être ont eu des missions différentes que pendant la saison. Là, c'est plus de contenir certains joueurs des skis de Rouyn-Noranda. C'est comme ça qu'ils vont trouver leur satisfaction pendant les matchs. Écoute, là, en plus, dans le deuxième match, on a réussi à marquer des buts. Deux buts de Zachary Lavigne, un but de Marc Bezaoui. En plus de Joey Ratten puis Dimitri Zoukinov qui ont marqué des buts dans ce match-là, tu sais, ça démontre un peu la diversité puis une certaine profondeur que les gens peuvent peut-être douter avant le début de la série face au Husky. Écoute, c'est seulement un match samedi soir, mais j'ai bien aimé la façon dont les Sags. Est-ce qu'on est inquiet du côté des Huskies, Jean-Paul? Parce que moi, hier, je parlais avec Nicolas Roy puis je disais à Nicolas. La première question que j'y ai posée, c'est est-ce qu'on a vraiment connu le sentiment d'urgence? Parce que souvent dans le hockey, l'équipe qui a le sentiment d'urgence joue mieux. Là, on s'en va sur une grande patinoire. Gilles Bouchard m'a dit wow, on n'est pas inquiet, on est capable de jouer sur une grande patinoire. Sauf que le fameux règle du 800 km dans le junior, on applique la série 2-3-2. Donc là, les Saguenayens ont carrément l'avantage de la glace, puis pas à peu près pour le ça. Là. Puis en plus, on joue pas sur une grande patinoire. On joue sur une grande patinoire où qu'on n'est pas vraiment habitué. Est-ce qu'on s'est montré inquiet du côté des Huskies suite à ça? Non. Pas non? OK. Non, pas du tout. Écoute, samedi, je pense que les Huskies venaient 2-1 après 40 minutes de jeu. Même si j'avais pas très très bien joué, admettons-le. Ouais. Les gars étaient quand même, je sais pas, il y avait une sorte de confiance qu'ils étaient pour l'emporter quand même. Puis ils ont été surpris par le travail acharné des deux derniers trios des Saguenayens surtout. Ouais. Et puis ça mène ici la philosophie des Huskies qui les a amenés à gagner la Coupe du Président l'année passée est encore présente cette année. On y va un match à la fois. On n'a même pas dans la tête qu'on s'en va jouer trois matchs à Chicoutimi. On s'en va jouer un match à Chicoutimi. C'est ce soir. Okay. Et la glace olympique, ça ne nous ferait pas peur parce qu'une glace olympique, on le sait, ça favorise les équipes qui ont des patineurs rapides et on a beaucoup de patineurs rapides. La Huskies Game, que Gilles me dit tout le temps. Ouais. La fameuse. Hey, Sébastien, moi, je vais te parler des frères Climat. Les frères Climat, il y a des gens qui se sont posé des questions. Est-ce que c'est une déception depuis que c'est arrivé à Chicoutimi? Pas du tout. Pas du tout? J'ajoute des. Non, pas du tout. OK. Peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'ils marquent 5 buts par match, les deux. Ben, on se rappelle du père, ouais, c'est pour ça, là, tu sais. C'est peut-être pas le même type de joueur, là, tu sais. Ouais. Moncton, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de glace, il était très exposé. Maintenant, sont un peu la deuxième unité offensive de Yann Michel, là, derrière, elle a du bon de jouer, Rattel, Nicolas Roy, puis avec Dimitri Zoukinov qui est joint à eux depuis les séries. Mais non, peut-être qu'il y a certains matchs, on les a vus, là, les frères Climont ont eu quelques incidences, là, des bons tirs de la part de Kelly, Kevin qui s'implique physiquement. Oui, ils font quelques erreurs sur la patinoire, mais ils sont beaucoup meilleurs quand ils sont jumelés avec Louis-Philippe Simard en passant de Master Yash, plus près de chez toi, Danny. Yes. Que que quand Louis-Philippe Simard joue à la défense en l'absence d'Olivier Galipeau dans le match de vendredi. Ça a peut-être été plus difficile pour les jumeaux dans le match de vendredi que celui de samedi. Mais oui, peut-être qu'on attend un peu plus de production offensive de leur part, mais quand même, là, je suis pas mal sur la glace. OK, OK. Là, les Huskies, il y a beaucoup de blessés. Il y en avait un qui ventre samedi qui est pas revenu. C'est quoi l'état des blessés du côté des Huskies? Puisque ça, c'est très important, là. Ben, s'il y a quelque chose à s'inquiéter du côté des Huskies, c'est bien ça. Là. Je pense que on le sait, il y a déjà plusieurs bons joueurs qui sont à l'écart du jeu, qui sont pas prêts à revenir. Puis là, ben il y a le cas de Peter Abbandonato, qui est un cas vraiment incertain pour cette semaine. Alors, c'est un de nos gros guerriers, celui-là. Donc, je sais pas où on en est là, ce matin. On va aller faire un tour à l'aréna, on va voir ce qu'il en est, mais Peter est un cas d'utile, disons, pour l'instant. OK. Et en terminant, Sébastien, je lisais dans le quotidien ce matin, Yannick Jean qui parle les petits détails. Hein. C'est tellement important, les petits détails au hockey. Hein. Oui. Puis les joueurs des Sags ont travaillé excessivement fort là-dessus. Tu sais, des fois, tu te demandes pendant la saison pourquoi tu t'entraînes fort, pourquoi tu fais plus de gym, pourquoi tu fais plus de cardio, pourquoi tu fais plus de ci, pourquoi tu fais plus de ça, puis pourquoi on surveille l'alimentation. Ben c'est pour avoir des troisièmes périodes comme dans le match de samedi à Rouyn-Noranda, d'avoir des jambes, d'être fort pendant 60 minutes. Puis bon, ben les Sags, ça va être comme ça qu'il va falloir qu'ils prennent les matchs, là, les matchs 3, 4, 5. On va commencer par celui de ce soir ici au Centre Georges Vézina. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui est important là, de noter. Là, les Sags ont beaucoup de respect pour les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est une grande organisation dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis là, Jean-Paul va peut-être dire que je sors mon grand violon ce matin, mais c'est les champions en titre de la Coupe du Président. Ça, faut toujours garder ça en tête. C'est une équipe qui sait gagner. C'est pas arrivé souvent qu'ils ont perdu deux matchs de suite dans les deux dernières années. Ça va être difficile de coller des victoires pour les Sags. Ceux qui s'attendent à ce que ça se termine rapidement là, vont peut-être avoir des petites surprises. Puis moi, je m'attends très bien à refaire un beau petit voyage du côté de l'Abitibi là, au début de la semaine prochaine. Moi, j'avais dit les Huskies en 6, puis je pense que ça va se rendre en 7. Plus ça va, là... Ouais, puis ça va, là, puis je pense que ça va se rendre en 7. Voilà, 8. c'est une chose que je voulais mentionner. Oui, Jean-Paul, excusez-moi, Sébastien. Oui. Moi, c'est une chose que je voulais mentionner. Je pense qu'il y a un avantage qui est non négligeable, que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que Saguenay a une équipe un peu plus âgée que ce qu'il est. Dans l'âge moyen de l'équipe, là, il y a quand même 12 joueurs de 19 ans chez les Sags versus 10 chez les Huskies. Et ça... quand on parlait de détails tantôt, là, mais dans les batailles, un contre un, là, un 17 contre un 19. Là, ah, c'est clair. Alors, ça, c'est un avantage que les Saguenais ont aussi sur les Huskies, là, qui n'est pas négligeable. Mais non, c'est sûr que ça aide beaucoup. Messieurs, très... Moi aussi, je m'attends à une longue série. Oui, Sébastien, vas-y, ouais. L'important aussi, c'est de rappeler aux partisans que présentement, la série est égale 1-1 et on a du très, très bon hockey sur la glace. Ça joue physique, ça joue défense. Oh, les gros buts qui se marquent des deux côtés, les jeux de passe. Le but entre le numéro 24, Fortin, puis le numéro 4, Fontaine, était de toute beauté. Dimitri Zhukinov s'est feint pendant les matchs. Il joue bien, lui. C'est le super hockey qu'on a présentement. Effectivement, il joue très, très bien. Zhukinov, celle-là, là, c'est pas dans les jeux de la semaine. Là. Je m'appelle pas Charles Bois. Ben, messieurs, on vous écoute ce soir pour Jean-Paul, c'est CHUN, Sean. C'est quoi le numéro? C'est NFM. C'est 98,3. Et c'est sur le site web. Sébastien, est-ce que le match est à Énergie ou sur le net ce soir? Non, tous les matchs là, des séries sont diffusés sur la grande antenne de l'Anse Saint-Jean jusqu'à Dolpo. Ben oui. Les doigts d'amis 94.5 Énergie, le diffuseur officiel des Sags depuis deux saisons. Puis toutes les séries là, sur les ondes FM. Et bien sûr, sur les applications, puis sur le site de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ben, bravo, puis on s'en reparle la semaine prochaine, Jean-Paul, parce que j'ai l'impression qu'on va s'en reparler on va faire une autre table ronde, j'ai l'impression. Pas, plaisir. Merci beaucoup, donc Jean-Paul Charlebois et Sébastien Morin. Bien.